Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez ce petit morceau de nostalgie. Construire un podcast pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier n'est pas si simple qu'il n'y paraît. J'ai néanmoins voulu me lancer dans l'aventure pour produire quelque chose que l'on ne trouve pas facilement. Mon objectif est en effet de proposer un retour sur un ensemble de souvenirs qui intéresseront les nostalgiques des années 70 et 80, et plus particulièrement les Belges francophones. On a dit et on raconte encore des tas de choses sur ces années, mais je n'ai jamais vraiment trouvé d'émission qui reprend notre vision un peu spécifique de Belges francophones, qui avions au début surtout accès à la RTB, Télé Luxembourg ou autre Lille, comme la première chaîne française est établie par nos grands-parents, en référence à l'émetteur français d'où venait le signal télévisé. Je focaliserai, comme vous l'avez compris, sur la télévision, qui était le moyen le plus novateur et le plus attirant à cette période. Mais je parlerai aussi un peu de cinéma, voire aborderai quelques objets ou musique culte de ces années. Nous commencerons ce voyage en 1975, pour le terminer sans doute au milieu des années 80. Pourquoi commencer en 1975? D'abord parce que je trouve troublant de voir parfois des émissions sur ces périodes faites par des personnes qui ne les ont pas connues, et que je pense qu'il est bien de s'y atteler soi-même si on n'est pas satisfait. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai donc des bribes de souvenirs qui commencent à cette période, malgré mon âge alors peu avancé. Je parlerai donc sur base de souvenirs personnels, améliorés d'informations glanées ça et là. Ensuite parce que 1975 fut l'année des créations des visiteurs du mercredi. Nous y reviendrons bien sûr plus tard, mais ce fut une émission qui allait marquer une génération d'enfants. Pour les Belges francophones que nous étions, il n'y avait pas grande alternative aux télévisions françaises qui étaient TF1, Antenne 2 et FR3 à cette époque. Seule la RTBF, qui n'émettait néanmoins pas toute la journée, apportait un peu de belgitude dans la petite lucarne. De l'autre côté, l'ancêtre de RTL Télévision appelé Télé Luxembourg se partageait entre programmes pour francophones, italiens et luxembourgeois. Au niveau du cinéma, les sorties en Belgique francophone étaient bien évidemment synchronisées sur les sorties des salles françaises, qui, à l'époque, ne l'étaient pas toujours sur les salles américaines. Nous allons donc parcourir ensemble ces deux dimensions principales que sont la télévision et le cinéma. Il va de soi qu'en partant de mes souvenirs, des choix se feront et que j'oublierai peut-être certaines choses. L'idée n'est pas d'être exhaustif, mais de proposer des informations qui me semblent marquantes pour l'époque ou par après lors de leur rediffusion. Ça reste avant tout un partage basé sur une expérience personnelle, mais j'espère pouvoir vous faire profiter d'un maximum de choses. Petite précision, pour des raisons de droit, les éventuels extraits seront limités à 10-15 secondes. Mais je pense qu'on peut néanmoins déjà faire des choses sympas avec des petits morceaux de cette taille. Et puis libre à vous de replonger par après dans les versions longues. Allez, générique. Pour ce premier volet, j'aborderai donc les années 75 à 77, que j'appellerai les années prises en main de TF1, une chaîne créée en 75 qui aura une grande influence sur les réseaux hertziens, pour les enfants de chez nous, jusqu'à une certaine révolution de 1978 sur Antenne 2, qui équilibrera alors l'intérêt des jeunes de l'époque et permettra une réelle alternative et une nouvelle vision des émissions pour ces jeunes. Mais nous y reviendrons dans de futurs épisodes. Avant tout, un petit point d'histoire avec un grand H. Que s'est-il passé dans le monde entre 75 et 77? En 75, on voyait naître la première mission spatiale conjointe entre l'Union soviétique et les États-Unis, la mission Apollo-Soyuz. Ce fut aussi l'année de fondation de Microsoft. On pourrait aussi noter le début de la guerre du Liban ou bien la mort de Franco. En Belgique, ce sera l'année de la fusion des communes qui empoisonne encore de nos jours bien des responsables de données d'adresse. En 76, il y eut les émeutes de Soweto et la catastrophe de Seveso, tandis qu'en Belgique, on relèvera la première grande vague de chaleur du XXe siècle qui dura 16 jours. Depuis lors, on s'est un peu habitué. Enfin, en 77, on peut noter les émeutes du pain en Égypte ou le début de la crise des euromissiles, ainsi qu'en Belgique la création des régions et des communautés et l'annonce du déclin de la métallurgie. Venons-en au cœur de ce podcast, les médias qui ont marqué cette époque qui fut celle de ma prime enfance. Et pour commencer, le cinéma. Quelles furent les sorties les plus marquantes entre 75 et 77? Je pourrais citer quelques films qui ont marqué leur époque, comme la rediffusion du Disney La Belle et le Clochard, qui raconte la rencontre entre une lady et un vagabond, version chien. Le film d'époque Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Le très politique Les Hommes du Président de Alan Pakula, qui aborde le fameux scandale du Watergate. On y découvre aussi les novateurs King Kong, remake d'un film de 1933, où l'on voit Jessica Lange, ou bien Orca avec Bo Derek comme héroïne. Ces films mettaient en image des animaux gigantesques face à des actrices au top de cette période. Un peu une vision revisitée de La Belle et la Bête. Je pourrais également citer les films ayant eu un impact sur la vision de la société, comme Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro, ou Rollerball avec James Caan qui montrait un futur noir pour le sport, ou encore le début des films Catastrophe avec La Tour Infernale, où l'on retrouverait Steve McQueen et Paul Newman. Je vais maintenant m'arrêter quelques instants plus précisément sur 7 autres films qui m'ont marqué à l'époque ou par la suite. Dans la catégorie dessins animés, ce fut la période de sortie d'un nouveau Disney, Bernard et Bianca. On se souvient tous de l'albatros qui servait de moyen de transport, par exemple. Que faire lorsqu'une affreuse mégère retient prisonnière une petite orpheline? Il faut appeler à la rescousse les plus intrépides héros de Walt Disney, Bernard et Bianca. Au niveau des films français d'humour, deux pour moi ressortent particulièrement du lot ces années-là. Un De Funès qui deviendra culte et qui abordait à l'époque l'évolution chimique et industrielle de la cuisine face à la version traditionnelle. C'était bien sûr L'Aile ou la Cuisse. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Et également le deuxième épisode d'une série de films qui allait ensuite tourné en boucle en télévision, qui présentait l'histoire loufoque d'une bande de militaires pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. On parle bien sûr des épisodes de la 7ème compagnie, avec Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Aldo Macchione et Henri Guibet. Ils sont revenus, ces braves, ces vaillants, ces glorieux de la 7ème compagnie, ces dignes descendants des grognards et des poilus, ces hommes simples et bons, qui d'un seul élan abandonnèrent leur petite vie tranquille pour répondre avec enthousiasme à l'appel de la patrie. Dans ces années-là, un film allait aussi démarrer un cycle qui allait nous suivre durant toutes les 80s. Le fameux film de boxe Rocky 2 et avec Sylvester Stallone. Ensuite, dans la catégorie films d'horreur, deux maîtres allaient bientôt sortir du lot. L'un était un écrivain en pleine ascension dont de nombreux romans allaient bientôt être portés sur grand écran. Je vous parle de l'exceptionnel Stephen King. Ici, c'est l'époque d'une très bonne version portée à l'écran par Brian De Palma du roman Carrie. Adapté du plus grand succès du roman fantastique. Interprété par Sissy Spacek, Piper Laurie et pour la première fois à l'écran, John Travolta. Si vous aimez les films fantastiques, vous avez rendez-vous avec celui-ci. On relève aussi le premier blockbuster de Steven Spielberg en tant que réalisateur, avec Roy Scheider et Richard Dreyfuss, porté par la musique de John Williams. Il allait faire peur à toute une génération de baigneurs avec son histoire de requin, Jaws, aussi appelé les dents de la mer. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Et pour finir, en 1977 se préparait un réel bouleversement de société. On parle ici d'un impact sur des générations et des générations de jeunes et d'adultes via des jeux, des bandes dessinées, des jouets, des dessins animés et bien d'autres choses. C'est bien sûr le premier film de science-fiction de grande qualité, réalisé par George Lucas, où l'on retrouve au générique Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill, pour une histoire de western et de samouraï transplantée dans une galaxie très lointaine. Il s'agit bien sûr de La Guerre des Étoiles. 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles. Attention, la fête va commencer! Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur. Et voilà, ils arrivent. Que la force soit avec vous dans La Guerre des Étoiles. Passons maintenant à la télévision. Cet objet de désir qui, chez certains, à cette époque, était encore en noir et blanc, et bien évidemment sans télécommande. Mais cet objet permettra à des générations entières de se faire des souvenirs communs. Commençons donc par la télévision publique belge, la RTB. À cette époque, les enfants avaient droit, en dehors de la télévision scolaire qui visait à leur fournir une connaissance complémentaire au cours, à plusieurs dessins animés, sans véritablement d'émission consacrée à ceux-ci. Comme il y en avait en France, mais nous y reviendrons. Il y avait bien Feu Vert, présenté par Jacques Carreuil, avec des jeux et des compétitions entre équipes. Mais c'était un autre principe que ce que l'on allait trouver de l'autre côté de la frontière. Parmi les dessins animés proposés, citons en vrac pour les plus petits Chapi-Chapeau, où les jumeaux à chapeau se baladaient dans un monde de miroirs, les Pilis, ces petites souris sympathiques, Gédéon, le canard au long cou, Colargol, l'ourson qui désirait chanter, ou encore Nounours qui disait bonne nuit aux petits. Souvenez-vous par exemple de trois d'entre eux. C'est moi qui suis Colargol, l'ours chante en farfalle, en rodèse, en mi bémol, en gilet et en faucon. J'ai le cou assez long, ne pas viper l'œil gros. Je suis un caneton, appelé Gédéon, oui Gédéon. Il y avait aussi des dessins et séquences animées qui intéressaient aussi les enfants un peu plus âgés, tels que Roquet Belles Oreilles, les célèbres Barbe à Papa sur lesquels nous reviendrons plus tard, le poussin Calimero pour qui tout est vraiment trop injuste, Sesame Street qui reprenait des séquences de l'émission américaine du même nom avec les marionnettes Ernest et Bart. Il y avait aussi Pierrot, ce garçon de 5 ans dont l'esprit vagabondait pour échapper à la tristesse de l'école et qui retrouvait dans ses rêves son boutitou, sorte de mix entre un dinosaure et une tortue géante. J'ai un souvenir d'un dessin animé assez déprimant, mais ce n'est peut-être que le générique qui faisait cet effet. Rappelez-vous. Enfin, Vic le Viking, le petit Viking qui arrivait toujours à trouver une solution à tous les problèmes, simplement en se grattant le nez. Au niveau des émissions produites localement, c'était principalement une période de production qui existait depuis des années. Citons par exemple Visa pour le Monde, un jeu télévisé présenté par Paul Herman qui permettait en jouant de découvrir le monde via sa télévision. Au niveau des séries que l'on retrouvait sur cette chaîne, on avait par exemple des rediffusions de coproductions européennes et ou canadiennes. Citons pêle-mêle les épisodes de la saga historique Légende Mogador, la mini-série La Porteuse de Pain ou encore le Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur français. Au niveau des séries américaines, on trouvait des vieux westerns comme dans Le Virginien, la mythique Petite Maison dans la Prairie qui a fait le tour des années et des chaînes de télévision, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, ou encore le tout aussi mythique Chapeau Melon et Bottes de Cuir dont les acteurs de l'époque étaient Patrick Macnee et Diana Rigg. On trouvait bien évidemment aussi des émissions produites en France qui étaient diffusées sur la RTB. Par exemple, La Piste aux Étoiles qui présentait un spectacle de cirque. Le Francophonissime, autre jeu télévisé qui voyait s'affronter des personnes des différentes télévisions francophones avec Georges Decaune à la présentation. Dans le même genre de jeux qui voyaient des gens de différents pays francophones s'affronter, n'oublions pas les Jeux sans frontières, qui en étaient à leur début avec des villes d'Europe qui s'affrontaient dans des joutes amusantes. Voici donc un passage en revue de ce que l'on trouvait sur la RTB entre 75 et 77, mais je vous rappelle bien sûr que ce n'est pas exhaustif. Passons maintenant aux émissions qui venaient du Grand-Duché du Luxembourg, dont les ondes passaient par l'émetteur de Dudelange, en transmettant une chaîne qui s'appelait à l'époque Télé Luxembourg, et qui n'émettait pas toute la journée. Au niveau des programmes pour enfants, Télé Luxembourg n'avait pas encore démarré sa mue vers la chaîne qui s'imposera comme une concurrente valable dès 1979 pour les petits Belges. Il n'y avait alors que quelques dessins animés et une émission spécifique, l'école buissonnière, qui accueillait en plateau des enfants de différentes écoles. Elle était présentée par Claude Robert. Les dessins animés que l'on y trouvait étaient de vieilles rediffusions américaines, comme Bip Bip qui se confrontait déjà à Coyote, ou bien à Popeye et ses épinards qui courtisaient Olive. Mais ce qui a surtout marqué dans cette émission, ce furent les séries diffusées à ce moment. On y a en effet redécouvert les Galapia, qui étaient pourtant à la base une série de la RTB, qui comptait l'histoire d'une colonie de vacances dans l'Ardenne belge, où six adolescents d'origine nationale et sociale différente allaient vivre diverses aventures. Également de vieilles séries telles que Robin des Bois ou encore Richard Cœur de Lion. Et surtout, Les Sentinelles de l'Air. C'est une série de marionnettes animées, issue de la BBC, dont le générique nous présentait le décollage de tous leurs véhicules numérotés et qui était d'une précision et d'une qualité exceptionnelles pour l'époque. 5 4 3 2 1 Ils sont partis. À cette période, Télé Luxembourg proposait surtout des jeux et des séries américaines, et quelques émissions transposées d'émissions de radio. C'est ainsi qu'André Torrent viendra faire son hit parade radio à la télé, et Georges Lang son Stop ou encore de la même manière. Deux émissions allaient marquer cette période de la chaîne, le jeu du coffre-fort, qui permettait de gagner des sommes parfois folles quand on était appelé au téléphone au bon moment. Ainsi que l'émission La Bonne Franquette, axée sur le divertissement, créée et animée par Jean Stock, qui mêlait entretien avec des invités, chansons et jeux. Mais ce qui allait surtout cataloguer cette chaîne à cette époque, ce sont les séries américaines qui étaient ou allaient devenir cultes, et qu'elles proposaient à profusion. Sans pouvoir être exhaustif, citons principalement la découverte ou la redécouverte pour certains de Cosmos 1999, la série où la Lune est arrachée de son orbite et les occupants de la base lunaire doivent survivre dans l'espace, Hawaii Five-O, ou les enquêtes policières dans le superbe cadre hawaïen. Kojak, qui était un célèbre lieutenant de police chauve qui avait en permanence des sucettes. Mannix, qui était un détective américain qui travaillait à Los Angeles. L'homme qui valait 3 milliards, où l'on découvre un homme reconstruit par la science pour devenir plus fort et plus rapide. Star Trek, où l'espace est l'ultime frontière, qui permet de découvrir de nouvelles planètes et des nouveaux peuples de l'espace. Les Chevaliers du Ciel, qui racontaient les aventures d'un duo de pilotes de chasse français. Également les Rues de San Francisco, qui présentaient un duo de policiers, un jeune et un ancien, qui résolvaient des enquêtes à San Francisco, comme le nom l'indique. Il y avait aussi Mission Impossible, composée de talents qui formaient une équipe et qui devaient résoudre et faire des missions demandant des compétences parfois extrêmes. Le nouvel homme invisible, qui était un agent militaire qui accédait à une minute d'invisibilité qu'il pouvait gérer grâce à une montre électronique. Et enfin Daktari, c'était le quotidien d'un vétérinaire qui dirigeait un centre d'études sur le comportement des animaux au Kenya. Et tout le monde se souvient dans cette série du lion Clarence. Voici maintenant un florilège de quelques génériques de ces différentes séries. Essayez de les retrouver. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Carl Malden et Michael Douglas. Ceci clôture le rapide tour sur Télé-Luxembourg, qui n'émettait pas énormément de choses à cette époque, afin de maintenant nous attaquer à la pièce principale. Nous voici donc face à la chaîne qui s'imposait aux jeunes francophones à cette époque. En 1975, l'ORTF, première chaîne française, est rebaptisée Télévision Française 1, soit TF1. Elle veut se positionner comme populaire et familiale. Elle est toujours chaîne publique, cela restera ainsi jusqu'en 1987. La direction de l'unité jeunesse est donnée à Christophe Izard, ce qui sera un choix gagnant. Ses revenus étant liés à la publicité et à ses résultats, elle se lance dans une course à l'audience. À cette époque, on retrouve trois émissions jeunesse principales, liées aux enfants en fin d'après-midi en semaine, les visiteurs du mercredi le mercredi après-midi, et les visiteurs de Noël pendant la période des vacances de fin d'année. Commençons donc par liées aux enfants. Dans l'île aux enfants, on retrouve des séquences issues de l'émission américaine Sesame Street, sous le nom Bonjour Sésame. Et une partie, l'univers de Casimir, avec un gros monstre orange bien sympathique. Ensuite, la partie américaine sera retirée pour ne plus laisser place aux productions françaises. On y retrouvera alors différents personnages autour de Casimir, Hippolyte, Léonard le renard, François ou encore Julie ou Monsieur du Snob. On retrouve également dans l'émission des petites séquences telles que Gribouille, la Noiraude, la Linéa ou encore Antivol, l'oiseau au sol. Allons, allons, Gribouille, du calme. Vous êtes prêts? Allons. Écoutez bien. Un jour, dans la jungle, un petit singe paria avec un hippopotame, un serpent et une tortue qu'il les valait tous les trois. Allô? Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil. Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Ce n'est plus possible. Bah! Et Noiraude, vous faire une défi? Ça, je suis indigné. Je suis révolté. Qu'est-ce qui se passe, Antivol? Je suis indigné parce que je viens d'apprendre une chose terrible. Il paraît qu'on coupe les plumes des ailes des canards pour les empêcher de s'envoler. Le mercredi, c'est donc un peu différent, puisque l'on pense aux enfants qui rentrent de l'école et qu'il y a toute une après-midi à combler. Pour ce faire, Christophe Izard lance le concept des visiteurs du mercredi. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. première saison aura lieu de janvier à juin 75. L'émission se compose alors de séquences animées et d'une partie club, où une animatrice reçoit des artistes et des personnalités. Cette partie est donc confiée à une jeune animatrice qui avait débuté 2 ans plus tôt sur l'ORTF, Frédérique Ochédé. Elle ne sera pas reprise pour une seconde année, n'ayant, pour la directrice des programmes de l'époque, pas la capacité de présenter des émissions jeunesse. Pour la petite histoire, nous reparlerons d'elle quand on abordera l'année 78, car, étant reprise depuis 77 sur Antenne 2, elle y animera une toute nouvelle émission sous le pseudonyme de Dorothée. C'est bien sûr une autre histoire. Pour les séquences animées, on découvre les marionnettes extraterrestres Brock et Schnock, qui présentent alors le fil rouge de l'après-midi. Il y a également des dessins animés, tels que Scooby-Doo, Calimero, Speedy Gonzales ou encore Barbapapa. Voici venir les Barbapapa. On y trouve ensuite des séquences de dessins artistiques en matériel de bricolage. Ces séquences sont issues de la BBC, elles s'appellent Déclic et c'est Tony Hart qui est aux commandes. Enfin, il y a aussi des séries télévisées pour enfants, certaines un peu plus anciennes, comme Toumaï et les éléphants, Skippy le kangourou, Quentin du Roir, Rintintin, Le petit Lord Fauntleroy ou encore L'île mystérieuse. En voici 2. La deuxième saison des Visiteurs du Mercredi démarrera en septembre 75. On retrouve alors des séquences de la saison précédente, mais il y a également des nouveautés, comme par exemple Hong Kong Foufou, Samson et Goliath, ou bien les belles histoires que l'on retrouve dans Jacques Trémolin raconte. Voici Hong Kong Foufou. Qui est donc ce super-héros ? Le sergent ? Non. Rosemary, la téléphoniste ? Non. Perry, le planton du commissariat ? Ça se pourrait. L'année d'après, Harry Sosinkorn à la présentation de la partie de l'émission consacrée aux plus jeunes, le coin des 6-10. On y retrouve également de la magie avec le tout jeune Gilles Arthur, puis également des séries de qualité telles que l'autobus impérial ou encore la plaire blanche, et bien évidemment l'excellent Prince Noir. Du côté de l'émission pour les plus grands, le club a été transformé en club des 10-15, et il est alors présenté par Patrick Sabatier. Pour cette année, on a droit aux cadets de l'espace, à la Linéa, à Walligator, ou à Dinky Duck, voire encore les terribles Harlem Globetrotters et les fous du volant. À travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. En cette fin d'année 1976, en décembre, une idée de génie émerge dans l'esprit généreux de Christophe Isard. Il décide de lancer une émission spécifique pour toute la durée des vacances de fin d'année, les visiteurs de Noël. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, la vie sera belle, belle, belle. La première année, ce seront les frères Pierre et Marc Jolivet qui seront à la présentation, et Jacques Trémolin viendra parler des personnages de Walt Disney. Au niveau des séries, on retrouvait par exemple Au nom de la loi avec Steve McQueen, Les Chevaliers du Ciel avec les pilotes Tanguy et La Verdure, On retrouvait également Prince Noir et Flipper le Dauphin, ainsi que Davy Crockett. Mais en ce qui me concerne, c'est surtout un dessin animé qui allait transformer mes périodes de Noël. Et il est d'ailleurs désespérant de savoir que les producteurs n'en ont gardé aucune trace de l'époque, de manière officielle. Je vous parle de Waldo Kitty. Ce dessin animé commençait par une partie en réel avec un chat qui tombait dans les problèmes. Il se mettait alors à rêver, ce qui devenait un dessin animé, où il prenait l'apparence d'un héros connu du genre Robin des chats ou Bat-chat. Il trouvait dans ce songe une solution à son problème, et il l'appliquait alors pour finir l'épisode dans la vie réelle et se sortir des 10 problèmes. I'm Waldo Kitty, a meek and mild kind of cat, but I'm a daring hero, and I like being that. When I see a friend in need, I want to be a friend indeed. I just pretend, and suddenly, I'm anyone I want to be, a courageous kind of cat. Je pense ainsi avoir fait une bonne présentation de ce que furent les émissions phares des jeunes dans cette période 75-77. Maintenant que j'ai abordé les émissions pour les enfants, il y avait bien évidemment d'autres émissions sur TF1. Au niveau des séries, il y avait une émission qui s'appelait La Une est à vous et qui était présentée par Guy Lux lorsqu'elle était diffusée sur la première chaîne de l'ORTF. Elle devint sur TF1 Samedi est à vous. C'était la première émission interactive où des gens pouvaient voter pour leur série préférée au standard de SVP 11-11. Il y avait des séries, des variétés et des jeux. On pouvait y choisir parmi des séries de tous horizons. Citons parmi celles-ci, celles qui auront particulièrement un succès récurrent, telles que Aux frontières du possible, Les Chevaliers du ciel, Schulmeister, l'espion de l'empereur, Amicalement vôtre, Chapeau, melon et bottes de cuir, Cosmos 1999, Le prisonnier, Les mystères de l'ouest, Les envahisseurs, Au-delà du réel, Columbo, Canon, Mission impossible, Kung Fu et bien d'autres. Je ne vais pas m'amuser à tous vous les présenter, mais je vais néanmoins reprendre trois génériques que je vous propose d'essayer de retrouver. Il y avait aussi des dessins animés que l'on pouvait choisir dans cette émission, principalement les séries Looney Tunes comme Bugs Bunny, Titi et Grouminet ou encore Woody Woodpecker, mais également les très bonnes séries d'animation japonaises que furent Le Prince Saphir et Le Roi Léo. En effet, il y avait déjà une première présence du Japon avant 1978, qui fut une future révolution dont nous reparlerons la prochaine fois. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Tous les dimanches, deux émissions liées au cinéma avaient une position sur la grille des programmes de TF1. Une qui avait survécu au passage de l'ORTF à TF1, la séquence du spectateur, qui présentait des extraits et bandes annonces de films à l'affiche à ce moment-là. Et l'autre, une nouvelle, qui présentait le film du cinéma du dimanche soir et qui portait donc le même nom, c'est-à-dire le cinéma du dimanche soir. En parlant des dimanches, on y trouvait une autre personnalité dont on ne sait pas toujours qu'il avait présenté sur TF1 avant de faire les beaux jours d'une autre chaîne, une émission satirique. C'était Jacques Martin qui présentait Le Petit Rapporteur. Et en parlant de personnalité, on peut aussi parler de Danielle Gilbert qui allait aussi marquer le paysage audiovisuel français. Elle avait commencé à cette époque avec l'émission de variété Midi Première. Enfin, pour finir mon passage en revue d'émissions qui ont selon moi marqué la grille des programmes de cette période, je citerai la fameuse émission consacrée au monde des animaux, qui préexistait à TF1 et qui allait encore avoir une belle longévité. C'est bien sûr Les Animaux du Monde que vous connaissez tous. Et je m'en voudrais de passer à une autre chaîne, sans citer cet OVNI, qui finit par devenir culte par la suite et qui était programmé à cette période. Cet OVNI s'appelait les Shadow. Voilà, nous allons maintenant pouvoir aborder la deuxième chaîne française, Antenne 2. Au niveau de la jeunesse, c'était une période assez frugale. Il y avait bien une émission pour la jeunesse qui s'appelait Le Palmarès des enfants, où l'on trouvait des jeux et des petites scènes présentées par deux marionnettes, un chien appelé le père Lipopette et un écureuil appelé Sacripant. On trouvait également, un peu plus connu, le Muppet Show, créé par Jim Henson, avec des marionnettes qui devinrent ultra célèbres, comme Kermit la Grenouille, Peggy la Cochonne, Gonzo ou encore Fozzie. Un autre héros a marqué les esprits dans les dessins animés de l'époque. C'était Casper, le gentil petit fantôme, qui était l'excuse pour passer des dessins animés de Casper, mais aussi d'autres personnages de ceux qu'on appelait alors ses amis, puisque le dessin animé était nommé Casper et ses amis. Un des points forts pour la jeunesse à cette époque était le fait qu'il détenait les droits sur les dessins animés de Walt Disney, ce qui donnait droit à de très bonnes émissions SVP Disney, présentées par Pierre Tchernia, où l'on pouvait choisir des extraits de ses films favoris. Autre émission d'Antenne 2 à base de marionnettes, il y avait Mon ami Guignol, qui racontait les aventures de la célèbre marionnette de théâtre. Si l'on doit retirer certains dessins animés de ceux qui étaient programmés sur Antenne 2 dans ces années-là, on relèvera Satanas et Diabolo, une sorte de spin-off ou de préquel des Fous du Volant, où Satanas et son acolyte, bien rigolards, essayaient vainement d'attraper un pigeon postal. Les autres dessins animés dont certains se souviennent sont Super Souris, avec les aventures d'un Superman version souris, Bip Bip qui déjà à l'époque faisait tourner le coyote en bourrique, ou encore Le Fantôme de l'Espace qui était une série animée sur un policier interstellaire qui faisait régner la justice et la paix, tirant des pouvoirs de son costume et aidé par deux adolescents, les jumeaux Jacques et Jeanne, et le petit singe Blip. Au niveau des séries non animées, on retrouvait les aventures de Flipper le Dauphin ou encore L'île au trésor. Notons également que face aux visiteurs du mercredi de TF1, Antenne 2 proposait une émission jeunesse baptisée 1 sur 5, présentée par Patrice Laffont. Elle avait pour objectif d'être une émission dynamique, spontanée, et qui voulait aller au fond des problèmes et des préoccupations de la jeunesse. Je suis nettement moins prolixe sur Antenne 2, car je suppose qu'enfant, mon choix s'était porté sur les autres chaînes et je n'en ai pas de grands souvenirs. En dehors des émissions pour jeunes, on trouvait également nombre de séries, principalement américaines. En creusant dans les journaux télé de l'époque, je me suis rendu compte que, de manière surprenante pour ceux qui regardent les séries de nos jours, on trouvait sur Antenne 2 certaines séries qui étaient déjà sur TF1 l'année d'avant. Par exemple dans Samedi est à vous. C'est le cas pour Canon, Manix, Kojak, Schulmeister ou encore Kung Fu. En voici deux exemples. Pierre qui est là. On retrouvait également des séries que l'on trouvait sur les chaînes belges ou luxembourgeoises, vu que pour la majorité des Français, cela n'avait pas d'impact, ces chaînes n'étant pas captables. C'est le cas pour Les gens de Mogador, Les rues de San Francisco, Chapeau melon et bottes de cuir, ou encore L'homme qui valait 3 milliards. Il y avait par contre des séries propres à la deuxième chaîne, comme Super Jimmy, le spin-off de L'homme qui valait 3 milliards, où c'était une femme, la fiancée de Steve Austin, qui avait été sauvée puis améliorée par la technologie suite à un accident grave. On avait aussi L'homme de fer, où l'on suivait les enquêtes de Raymond Bure, un policier cloué dans un fauteuil roulant. On retrouvait des agents très spéciaux, appelés en VO The Man from Uncle, où deux espions, Napoléon Solo et Ilya Kuryakin, luttaient contre une organisation criminelle internationale. Une autre rediffusion qui a eu beaucoup de succès, c'était La planète des singes, où après être passés dans un trou de l'espace-temps, les astronautes atterrissaient sur Terre en l'an 3085, et découvrait alors que les singes étaient devenus l'espèce dominante de la planète. Enfin, autre série culte qui était dans la grille d'Antenne 2 et qui était une coproduction française, Les Brigades du Tigre, qui racontait les histoires au début du XXe siècle d'une brigade de police motorisée dirigée par le commissaire divisionnaire Fèvre. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Je citerai également un des westerns les plus populaires de l'époque, où l'on suivait les aventures d'une famille de cow-boys dans leur ranch, les Cartwright. La famille était formée d'un veuf, Ben Cartwright, et de ses trois fils. Le nom de la série en question était Bonanza. Et pour terminer, un autre sujet avait la faveur des séries américaines, la guerre. On pouvait ainsi suivre le quotidien d'une équipe de médecins et d'infirmières située en Corée du Sud durant la guerre de Corée. Ce drame médical s'appelait MASH. Venons-en pour terminer cette partie aux émissions qui constituaient le reste de la grille d'Antenne 2. À l'époque, et pendant longtemps, il y aura un rendez-vous incontournable de l'avant-soirée pour beaucoup. Ça s'appelait des chiffres et des lettres. Ce jeu reposait sur les compétences en calcul et sur les connaissances du vocabulaire des candidats. Il était présenté par Patrice Laffont, qui gérait le mot le plus long, mais était aussi assisté de Bertrand Renard pour la partie du compte est bon. Autre émission issue de l'ORTF, Alain Decaux raconte. Cela permettait à l'animateur de raconter des épisodes de l'histoire de France. On retrouvait également l'émission de débat de société qui suivait la diffusion d'un film thématique, Les dossiers de l'écran. On pouvait aussi déjà s'amuser avec la retransmission de matchs de catch en fin de soirée. Le genre émission littéraire était aussi présent sur la chaîne via Apostrophe, une émission de Bernard Pivot. On peut aussi parler de jeux télévisés qui étaient présents avec un retour d'une émission des années 60 présentée par Pierre Melbar puis par Philippe Gildas, La tête et les jambes. Les animaux avaient également leur émission sur Antenne 2 avec le célèbre 30 millions d'amis, qui allait également perdurer longtemps avec Jean-Pierre Hutin et Mabrouk, le chien mascotte de l'émission. Enfin, parce que s'il y a bien une personne incontournable pour cette chaîne à cette période dont il faut un peu parler, c'est celui dont je vous ai parlé précédemment et qui avait commencé sur TF1. C'est Jacques Martin. En tant que transfuge de TF1, il viendra animer les dimanches avec son émission Bon Dimanche, où l'on retrouvait la lorgnette avec une kyrielle d'humoristes dont Stéphane Collaro, Piem et Pierre Bonte. Ensuite, on y trouvait la série Les Têtes Brûlées, le Moped Show et la célèbre École des Fans. C'est en 1980 que l'émission prendra une autre dimension sous l'intitulé Dimanche Martin, mais nous y reviendrons lorsque nous aborderons cette année. Ceci clôture donc la partie Antenne 2 de ce podcast. Pour terminer cette première émission déjà bien chargée, je me dois également d'aborder rapidement la dernière chaîne française, qui à l'époque me paraissait complètement confidentielle, c'est-à-dire FR3. Elle était positionnée comme la chaîne régionale et celle du cinéma. Son côté régional français pour les Belges francophones que nous étions ne devait pas spécialement nous attirer. Quelques émissions mythiques étaient néanmoins présentes à l'époque, dont deux ressortent pour moi du lot. Thalassa. Et bien évidemment, comment ne pas citer les célèbres jeux de 20h, qui allaient occuper bien des soirées par la suite également. Ce jeu consistait à poser des questions de culture générale à des célébrités invitées, chanteurs, comiques ou acteurs, et à des candidats en duplex depuis la province ou de la région parisienne. La liaison entre les invités et la province était assurée par Jean-Pierre Descombes et l'arbitrage par le fameux maître Capello. France 3 aura également d'autres émissions dont nous reparlerons sans doute plus tard, surtout au niveau de la jeunesse, mais à l'époque, c'était un peu le parent pauvre pour du PAF. Voilà, ceci termine donc notre premier tour des souvenirs médias des années 75 à 77. Si vous avez résisté jusqu'ici, bravo et merci. La première est toujours la plus compliquée, surtout si l'on part du principe que c'est à partir du numéro 2 que je vais vraiment pouvoir ajouter des souvenirs à ce qui restait ici principalement, une énumération basée sur des recherches. J'espère que cela vous aura intéressé et surtout que cela aura réouvert la boîte à souvenirs de votre mémoire. La prochaine fois, nous nous attaquerons donc à l'année 1978, qui sera un véritable tournant pour beaucoup, surtout chez les enfants et les jeunes. Mais nous en reparlerons donc si vous me rejoignez dans ce futur podcast qui s'annonce déjà haut en couleur. Et comme le disait la superbe voix de Jean Topard à la fin des mystérieuses Cités d'Or... Au revoir. Ah bien.